C'est la chronique du Marcos Pop de Saint-Félicien avec l'instructeur chef Jason Lajeunesse. Salut Jason. Salut Danny. Jason, c'est une série extrêmement serrée. On l'a vu d'ailleurs dans les trois matchs. Ça s'est soldé 2 à 1 à deux reprises. Il y a le match de jeudi passé que ça a fini 5 à 3. Mais tu me disais que c'était serré puis tu t'attendais à ça, effectivement. Donc ça va comme tu pensais. Oh oui, on s'attendait pas à ce qu'une équipe domine l'autre pendant tous les matchs. Donc c'est on s'attendait à une série très très serrée là, entre les deux formations. OK. Il y a une très bonne équipe. Donc ça fait des très bons matchs de hockey là, pour ceux qui viennent à l'aréna. C'est du très bon hockey qu'on voit. Là. OK. Si on parlait maintenant du match de 5 à 3. Ça, c'est le premier match là, ouais, de la série. On perdait 2-0 après deux périodes. OK. Ça a été difficile là, au début de série. Notre intensité n'était peut-être pas au point où l'intensité des ambassadeurs était. Donc, ça a pris deux périodes là, avant qu'on matche l'intensité de l'autre équipe. Mais c'est ça. En troisième période, là, on a dominé la troisième période, marquant 5 buts là, contre un seul, pour se sauver avec la victoire de 5-3 là, dans le premier match. OK. Et dans le deuxième, là, c'était beaucoup, encore une fois plus serré cette fois-là. Là. Oui, ben, on a perdu 2-1 là, à ouais. On a joué un très bon match sur la route. On n'a pas donné quasiment pas de chance de marquer à l'adversaire. C'est sûr qu'ils ont eu une chance de marquer là, en deuxième période. Puis en troisième, pour rompre l'égalité dans un, là, ils sont venus deux fois dans notre zone. Nous autres, c'est sûr que dans ce match-là, la puck, elle roulait pas pour nous autres. On n'était pas capable de la mettre dedans, comme on dit. Là. On a bousillé nos chances de marquer. Là. OK. Puis hier, 3-2, ben, le jour de Pâques. Là. Ouais, dans le dimanche de Pâques, on a gagné 3-2. Une autre fois, un match serré. C'était 2-2 jusqu'à 3 minutes 30, je pense, de la fin, jusqu'à temps que Félix Couchard là, marque le but gagnant pour nous à toute fin de troisième période. OK. C'est des matchs serrés, des matchs qui peuvent se gagner là, à la toute fin. Donc, faut être concentré, faut être intense là, pendant trois périodes des deux côtés. Puis demain, ben, ça risque d'être le match le plus important de l'année, là, le quatrième match. Pour Gamo, ça passe ou ça casse. Donc, je soupçonne qu'ils vont être prêts, moi. Oui, c'est sûr que à Chibiamo, c'est pas facile d'aller jouer là-bas. Ouais. Ils ont une très très bonne fiche là à domicile. C'est sûr que c'est pas facile d'aller jouer là-bas. Nous, ben, il faut leur jouer notre meilleur match des séries, comme on dit, là, pour essayer de venir finir la si on gagne ce match-là, de venir finir la série là, chez nous à la maison vendredi soir. Okay. Donc c'est sûr qu'on va essayer de jouer notre meilleur match là. Demain soir, là, ça doit être le fun pour les kids, pareil, parce que les assistants sont bonnes en finale demain, ça doit être encore plus intéressant. Hein. Ah oui, c'est sûr que les assistants d'Atlanticien sont bondés, puis Chibiamo, c'est la même chose. Donc, c'est sûr que pour les joueurs, puis même pour les organisations, c'est plaisant. Et l'argent rentre dans les coffres, comme on dit, puis ça fait du bien là, pour le financement, là, quand on va Chibiamo, on vient à Saint-Félicien. En fait, de ce côté-là, c'est. On parle de quoi? On parle de quoi? 300-400 personnes par match, quoi? Oui. Ah, c'est très, très bon. C'est quand même intéressant. Hein? Oui. Ouais. C'est quasiment plus qu'au junior, tu sais. Ah ouais, c'est sûr que... C'est pas normandin, là, mais tu sais, si on compare aux autres équipes juniors, moi, on n'a même pas équipe de battre les assistants juniors, là. Effectivement. Partout, tu sais. Ouais. Même à Chibiamo, les autres non plus, ils n'ont pas de misère à remplir l'aréna. Ouais. Ben là-bas, dans le temps que je faisais des entrevues avec Rock, c'est ça qu'il disait. Il disait comment que c'était facile. C'était une passion pour les gens de Chibiamo, ben on le voit là. Ouais. Jason, on s'en parle mardi prochain après la série. Oui, il n'y a pas de problème. L'instructeur chef du Marcos Pop de Saint-Félicien, Jason Lajeunesse.